mise en onde est assurée par Serafina Kidimana. Bonjour et merci de garder l'écoute de nos programmes. Voici le journal de la mi-journée en langue française, dont voici tout d'abord les principales articulations. C'est ce jeudi que la Chambre basse du Parlement procède à l'analyse et adoption de 13 nouveaux commissaires qui vont constituer la nouvelle la commission Vérité et Conciliation. Parmi les 33 personnes présélectionnées figurent le président sortant, mais aussi l'ex-président de la Commission électorale nationale indépendante Pierre Clavin Ndayichalié et Kalinga Ramadan, ex-président du Conseil national de la communication. Après que les conducteurs de vélos se soient lamentés sur l'exigence des gilets et plaques, le directeur général de transport fait savoir que la décision ressort des recommandations des réunions de ces conducteurs de vélos eux-mêmes. Et toute personne qui n'aura pas de moyens pour construire des infrastructures répondant aux normes exigées se verra déplacée dans d'autres localités en fonction de ses moyens. C'est du moins les propos du ministère ayant les travaux publics dans ses attributions lors de la campagne de sensibilisation sur le plan innovant de la ville de Bujumbura 2020-45. Et dans la chronique justice de ce jeudi, nous allons revenir sur le contrat de mariage et les régimes matrimoniaux. Voilà pour les grands titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, encore d'une personne a été repêchée ce mercredi dans la rivière Nyabiho de la commune Gitaramuka, province Karusi. La police informe qu'il s'agit d'un habitant des environs qui est mort étranglé à l'aide d'une corde suite aux sorcelleries. Je vous l'avais dit en titre, analyse ce jeudi des noms de nouveaux membres de la commission Vérité et Conciliation. Parmi 185 personnes ayant déposé leur dossier, 33 ont été présélectionnés, dont 18 Hutu et 12 Tutsi et 3 de l'ethnie Batwa. Parmi ces candidats figurent d'ailleurs les anciens membres de cette commission, dont le président sortant, Mgr Jean-Louis Nahimana, mais aussi quelques personnalités connues, dont Pierre Clavin Ndayichalié, ex-président de la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi Ramadan Kalinga, ex-président du Conseil national de la communication, et Concili Nibigira, Charles Makoto. Il est en train de suivre cette plénière et vient d'être joint au téléphone par Placide Niomungeli. Commence à nous dire la procédure de présélection. Lors de sa présentation, le président de la commission ad hoc et chargé de recrutement a indiqué qu'il y avait 185 postulats. Parmi ces postulats, 33 qui ont été retenus. Juste pour y arriver, ils ont passé par une analyse des dossiers qui a permis de retenir 46 candidats. Et après, les 46 ont été interviewés par la commission ad hoc, comme je le disais tantôt. Mais est-ce qu'il y a au moins quelques commissaires de l'ancienne équipe de la CVR qui ont des dossiers dans ces 33 qui sont retenus? Ces commissaires dont les noms sont revenus parmi les 33, il y a Mgr Jean-Louis qui était président de cette commission, il y a Antoine Madaraga, il y a Noé Ninziza qui était vice-président de la commission, il y a également Niragira Kosirde qui est également connu comme ex-membre de la commission. Sur la liste de ces 33, est-ce qu'il y aurait quelques noms des personnalités qu'on connaît dans la politique ou bien dans la société civile? Il y a l'ambassadeur Laurent Kavakure qui fut ministre des Relations extérieures. Il y a Kalinga Ramadan qui fut ministre de la communication. Et dernièrement, il occupait le poste du président du Conseil national de la communication. Il y a également des noms comme Concili Nibigira qui est connu dans le parti Prona. Il y a Pinyamondiye, puis maire de la ville, mais également signalons le nom de monsieur l'ambassadeur Pierre Clavin Ndayichalié qui fut le président de la commission électorale nationale indépendante. Parmi les noms de la société civile, nous signalerons le nom de Aloïse Vatungwanayo Juvenal qui est président de l'association AMPC Girubuntu. Nous dirons également Aruna Nkunduwiga qui est connu dans la communauté musulmane, sans toutefois ignorer le nom de Léonard Harimana qui travaille à l'inspection générale de l'État, qui est à Motoua. Mais est-ce qu'on peut savoir, Charles Makoto, qui suit de près le déroulement de cette plénière, ce qui se passe pour le moment? Ce qui se passe pour le moment, c'est que les 33 candidats sont en train de passer devant les députés réunis à l'hémicycle de Kigobe. Chacun a 2 minutes juste pour dire ce qu'il va apporter comme nouveauté dans cette commission Vérité et Réconciliation une fois qu'il est ou qu'elle est élue. Vous auriez au moins su comment ils vont procéder pour élire? On n'a pas franchement de détails fait par rapport à ça, mais une information qui vient de nous parvenir tout de suite indique que même le bureau de cette assemblée va être élu aujourd'hui même. Merci Charles Makoto, on espère que tu vas nous donner plus de détails dans nos éditions ultérieures. Le ministère ayant les travaux publics dans ses attributions appelle les habitants de la capitale Bujumbura à se préparer pour le plan innovant de la ville de Bujumbura 2045. Lors de la campagne de la sensibilisation aux citadins ce mardi, l'assistant du ministre indique que toutes les activités seront séparées. Salvatore Nakumuyango précise que ceux qui n'auront pas de moyens pour ériger des constructions répondant aux normes exigées se verront déplacés dans les milieux en fonction de leurs moyens. On l'écoute. Nous venons de lancer une campagne de sensibilisation de la population bénéficiaire de ce projet, notamment en mairie de Bujumbura. Cette campagne consiste à sensibiliser la population de la mairie de Bujumbura pour qu'elle s'associe dans ce plan directeur innovant de la ville de Bujumbura en créant des associations pour qu'ils puissent donc collecter des fonds nécessaires, pour qu'ils puissent donc commencer, se préparer pour qu'au moment où on va commencer réellement à aménager donc la ville de Bujumbura pour que cette population puisse aller avec les autres en mettant en avant le développement de la ville de Bujumbura. C'est pour cela que nous sensibilisons cette population pour que ce projet le fasse le sien, pour qu'ils adhèrent convenablement avec ce projet, pour que cette population puisse commencer à bénéficier des bienfaits et des avantages de ce projet. Dans ce projet, il est prévu des différents espaces dans ce projet où il y aura des espaces industriels, des espaces commerciaux, des espaces de tourisme, et ainsi de suite. Alors, pour la population qui a déjà construit dans ces espaces, il est prévu dans son projet que les uns seront donc déménagés en conséquence. Ce qui fait que, avant d'être déménagés, on va poser la question à ces populations s'ils sont en mesure de construire selon les plans qui leur sont présentés. S'ils ne sont pas en mesure de ce projet, il est prévu des espaces où cette population qui n'est pas en mesure de construire, d'aller vers ces espaces qui sont donc aménagés et prévus dans son projet. Après une courte pause, on va passer en page économie. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h05, économie à présent, l'office du thé au Burundi est parmi les premiers à verser plus de recettes dans le trésor public. Ce sont les propos du commissaire général de l'office burundais des recettes qui a effectué ce jeudi une visite de travail dans l'office du thé au Burundi. Et cela dans le but du préparatif de la journée du contribuable. Audace Niyonzima a indiqué que l'office du thé burundais a été choisi prioritaire suite à la quantité suffisante des recettes versées à l'OBR. Il a précisé que cette journée sera célébrée le décembre en province de Makamba. Suivez Audace Niyonzima, il est commissaire général de l'OBR. Cette visite à l'OTB s'inscrit dans le cadre de la préparation de la célébration de la journée du contribuable. Nous avons choisi de visiter les grands contribuables, parmi lesquels il y a l'OTB, qui est une entreprise qui fait partie des grands contribuables, qui sont conformes fiscalement, qui paient normalement et régulièrement les impôts et les taxes, et qui versent également les dividendes de l'État. Donc nous sommes venus sur terrain pour rencontrer l'administration de l'entreprise, pour échanger sur la collaboration et sur la perception qu'ils ont des services de l'OBR, mais aussi pour les inviter à participer à la prochaine foire qui commence le 1er décembre, qui va se clôturer le 5 décembre avec la célébration de la journée du contribuable. Le constat, c'est qu'actuellement, les relations entre OBR en tant qu'administration fiscale et OTB en tant que contribuable sont très bonnes, d'autant plus qu'il y a la collaboration, il y a la conformité fiscale par OTB en tant que contribuable, donc les relations sont très bonnes. De l'économie par le transport, à présent le port des gilets et plaques est une décision prise par les conducteurs de vélo eux-mêmes lors d'une assemblée générale tenue à la fin de l'année dernière. La déclaration est celle du directeur général du transport, Consolateur Nitunga, fait savoir que les conducteurs de vélo doivent travailler dans la transparence et ainsi être enregistrés dans les livres de l'OBR. Il reconnaît toutefois que ces activités doivent commencer après arrêt des stratégies convenables par les secteurs concernés. Suivez Consolateur Nitunga, qui a été joint au téléphone par Vianney Ngendakuman. l'année passée. Ils se sont mis ensemble et mis une réunion à l'Assemblée générale. Puis ils nous ont transmis au rapport de la réunion dans lequel il y avait des recommandations. Ils se sont entendus qu'en ce qui est de l'organisation, il y avait pas mal d'activités. Une de ces activités était de doter ce secteur de transport par vélo, les gilets ainsi que les plaques. En réponse, le ministre disait que ces taxis vélos doivent être donnés un accord en ce qui est de gilets, mais en sachant que ces activités doivent commencer avant que le ministère ainsi que les techniciens de l'association puissent se mettre ensemble pour arrêter les stratégies de travail. Dans cette correspondance même, on disait que cette façon de collaborer entre le ministère et ce taxi vélo en ce qui est de travail puisse enregistrer une transparence pour que l'OBR puisse bénéficier des recettes. Et puis, on a exigé que, en ce qui est de plaques, la réglementation en vigueur en cette matière va être appliquée. Est-ce que vous avez formé ces conducteurs de vélo que vous êtes revenu sur la décision qui était suspendue? Effectivement, on a tenu une réunion avec les représentants. On a pu lancer cet appel que, désormais, il va y avoir la relance de cette activité de retirer les gilets. Ils étaient tous entendus du prix qui allait être appliqué lors de cette activité. Quittons Bujumbura pour aller au centre-ouest, c'est à Karusi. Le gouverneur de la province de Karusi appelle la population de cette province de ne pas négliger les activités de vaccination. Kalini Barushimana déplore que la province serait en recul dans ses activités suite à certains habitants qui ne voient pas le bienfait de telles vaccinations. Il a dit ce mercredi dans la commune Gihogadi lors du lancement d'un projet de développement pour la population de cette commune à la colline Ruyaga. Et le médecin provincial, quant à lui, dit avoir déjà pensé à ses stratégies. De Karusi, Blaise Pascal Kararumi. Le gouverneur de la province Karusi indique que certains des habitants de la province Karusi ne répondent plus massivement à la campagne de vaccination du ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Elle déplore que la population de sa province pourrait prétendre se développer sans se soucier de la prévention de la santé de leurs enfants. Elle les appelle ainsi à répondre massivement à la campagne de vaccination en cours et qui va prendre fin ce vendredi. Madame le gouverneur l'a dit ce mercredi dans la commune Gihogazi lors des activités du lancement du projet du développement de la population de cette commune à base de ses propres potentialités et richesses, en l'occurrence la propriété comme le témoigne la gouverneure. Ce projet appelé PIP Mboniongana est exécuté par l'ONG Réseau 2000+, dans quatre autres communes de cette province. Et Madame le gouverneur témoignait à cette colline de Ruyaga, où se trouvaient les populations de trois collines, que toute la population de la commune Gihogazi va en profiter pour se développer. Remarquant que la plus grande majorité des habitants sur place était composée des femmes, le gouverneur a demandé à ceux qui ont déjà répondu à la vaccination actuellement en cours de lever le doigt et a amèrement constaté qu'ils n'ont pas répondu à l'appel lancé. Et l'air a ainsi imploré qu'il s'efforce d'y aller sans tarder et signala qu'il y aura même une vérification après l'activité. Le médecin provincial affirme qu'en collaboration avec les administrateurs communaux, ils se sont convenus de déployer plus d'efforts pour la réussite de cette activité de vaccination et plus particulièrement dans le district sanitaire de Ouiga, qui témoigne en tant que le médecin provincial qualifié de faible. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour Radio Isanganiro. Quittons Karusi pour aller à Ngozi où l'on va parler de l'agriculture. En bref, les chefs de colline de la province Ngozi sont appelés à une forte sensibilisation des agriculteurs pour que cesse l'installation des germoires sur les collines, car la croissance du riz est freinée dès le semi. Par conséquent, la chute de la production, le responsable des filières au programme de développement des filières en Ngozi appelle aussi les agriculteurs à l'achat de nouvelles semences très productives expérimentées par Isabou, car les semences semées chaque année durant 5 ans successifs diminuent le rendement. Apollinaire Muzagara, correspondance. Comme l'indiquent les experts du programme de développement des filières et du bureau provincial de l'agriculture et de l'élevage en Ngozi, bon nombre de riziculteurs installent les germoires de riz sur les collines, ce qui réduit le rendement rizicole car la croissance du riz est freinée par l'insuffisance de l'eau dans ces germoires. Le chef de la production végétale au bureau provincial de l'agriculture et de l'élevage en Ngozi appelle à cet effet les chefs collinaires et les moniteurs agricoles à une forte sensibilisation pour que ces germoires soit installé dans les marais afin que ce riz puisse avoir une bonne croissance dès son germoire. Et cela a envie d'avoir une bonne production rizicole dans cette province. Dans cette même perspective, les riziculteurs sont appelés à ne pas continuer à semer les mêmes semences tous les 5 ans successifs sous peine de réduction sensible de la production. Le responsable des filières au sein du Prodéfi invite ces derniers à semer de nouvelles semences très productives expérimentées par l'ISABU, semences déjà disponibles dans tous les entrepôts des communes d'Ongozi à raison de 1200 francs boulokir. Protega Hungu appelle ses riziculteurs à approcher les agronomes communaux le plus tôt possible afin de semer à temps. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique justice. Dans la chronique justice de ce jeudi, nous revenons sur le contrat de mariage et le régime matrimonial. Aujourd'hui, nous vous parlons du régime de la communauté universelle des biens, que ce soit le régime de séparation des biens ou celui de la communauté des biens. Chacun présente ses avantages et inconvénients. La chronique d'aujourd'hui, c'est avec Oban Yonghuru qui s'est entretenu avec Maître Floribert Nitung. Le régime matrimonial est un ensemble de règles juridiques destinées à organiser les rapports patrimoniaux entre, d'une part, les époux entre eux, d'autre part, entre les époux et les tiers. À côté des régimes de séparation des biens, il y a le régime où les époux décident de tout partager. C'est le régime de la communauté universelle des biens. Maître Floribert Nitung. Il y a l'autre régime, c'est la communauté des biens. Et dans la communauté des biens aussi, il y a deux grands traits. La communauté réduite aux acquis et la communauté universelle. Quant à la communauté réduite aux acquis, chaque époux reste propriétaire de ce qu'il a acquis avant le mariage. Par contre, les biens acquis pendant le mariage ont le statut de bien commun. Ce régime est le régime par défaut, c'est-à-dire que c'est celui qui s'applique en l'absence de tout contrat de mariage, la communauté des biens. En cas de divorce, les époux récupèrent les biens qu'ils ont reçus ou acquis pendant le mariage, mais se partagent les biens qu'ils ont acquis pendant le mariage seulement. Dans la communauté universelle, tous les biens sont des biens communs. Pour chacun de ces régimes, il y a des avantages et des inconvénients. Concernant le régime de séparation des biens, chacun garde les siens. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Les avantages pour le régime de séparation des biens, il n'y en a pas beaucoup. Chacun garde ses biens propres. Les dettes d'un époux n'engagent pas l'autre, mais il y a beaucoup d'inconvénients. Les dettes contractées par l'un des époux par l'un pour l'entretien du ménage ou pour l'éducation des enfants, ça doit engager les deux époux. En cas de divorce, le partage de l'argent placé sur un compte commun devient difficile. Et à l'absence de testament, l'époux survivant ne reçoit que le quart du patrimoine propre de l'époux décédé. Mais pour le régime en communauté des biens, il y a beaucoup d'avantages. Il y a le partage de la vie, il faut aussi le partage des biens. La mise ensemble, et en profiter d'une façon égale. La communauté universelle permet de compléter l'union de corps. Notre code des personnes et de la famille a prévu un régime légal. Encore une fois, Maître Floribert Nitung. Le code des personnes de la famille, en ses articles 121 jusqu'à 138, prévoit un régime légal, un régime qu'on appelle le régime primaire. Dans ce cas, même si les époux ne prévoient aucun contrat, il y a un régime obligatoire, un régime légal qui doit s'imposer sur le couple. Ce sont des règles impératives qui s'appliquent même sans le contrat de mariage. Certaines règles, alors, sont de l'ordre public qui s'imposent donc aux époux, quel que soit le régime matrimonial, par le seul effet du mariage. Par exemple, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ça, c'est déjà prévu par l'article 122 du Code des personnes de la famille. Si les époux n'ont pas déterminé d'avance la convention qui doit régir et le solde des biens, de leurs biens, pendant et après le mariage, automatiquement, c'est le régime légal qui s'applique. Pour l'un ou l'autre régime choisi, les conjoints peuvent décider de le changer et de le signaler au service de l'état civil. Merci Oban Nyonghure, c'est par cette chronique que nous mettons un point final à cette édition. Je dis merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Séraphine Akidimana pour la mise en onde, Francine Ndirokubwa était à sa réalisation, je lui dis également merci. Eline Ibel Nivigira était à sa présentation, je vous souhaite de passer un excellent après-midi et surtout bon appétit si vous êtes à table, au revoir.